إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، ما هو آخر الباب أخذنا؟ ما جاء أن بعد هذه الأمة يعبد الأصنام. نعم، الأوثان. نعم، partie de la communauté va adorer l'Aufan. Wa min ayna akhadha al ba'd istilalat, يعني de quoi il a, sur quoi il s'est basé, certaines preuves sur lesquelles il s'est basé, certaines déductions. La tatabi'unna min kana qablukum sunan. Naam, vous allez essayer de suivre la tradition de ceux qui étaient avant eux, également sur les faits des Yahoud Nassar. Après, d'autres ahadiths sont venus. Les bélium sont la cause d'Abeï, Inch'Allah. On va prendre deux bèbes qui sont liés l'une à l'autre. On va résumer. Non, à Kaza. Qala al-mu'allifu rahmallahu ta'ala. Bèbou, ma'ja'a fi sihar. Ce qui était cité à propos du sihar, c'est-à-dire la sorcellerie. Et السحر كما ذكر الشيخ هو ما يسحر الناس ويسمى سحرا لانهم يتعاطونها بطريق او بطرق خفيه. Le sihr a été appelé comme ça parce que cette madda sin ha ra تدل على الاشياء الخفيه, des choses qui sont cachées, comme le suhur مثلا, que l'on prend avant de déjeuner, il a lieu à quel moment? Avant le fajr, au moment où il fait encore sombre. Donc c'est un mot employé pour tout ce qui est yani, qui agit sur les gens de façon cachée. Et comme on en a déjà parlé, miraran, tu parles de Doros. Ce sihr, il est à la qismain. On a le haqiqi et on a le tahyiri. Yep. Haqiqi ou tahyiri. Le haqiqi, c'est celui qui a lieu, qui se fait par le takarrub bi shayatin, bi shirk billah. Le haqiqi, c'est celui que l'on fait en utilisant les shayatin et cela en faisant des shirk billah, en faisant des adorations pour eux. Wa fil ghalib, hadha yakun bi ihanat. Ma fi ta'zim. Fil ghalib yakun kadha. En yani souillant et en blasphémant une chose qui doit être exaltée, qui doit être mu'azzam, comme les choses de l'islam, comme le mushaf. Wa ghayr dhalika. Les gens font des ibadah pour les shayatin qui, par la suite, travaillent pour eux. Et yu'athiruna fi nas. Et le takhyili, c'est plus comme on a expliqué, des choses comme des tours de passe-passe, de la prestidigitation, ou des trompe-l'œil, ou des fois ça peut être avec des poudres, avec des plantes. Et les gens s'imaginent voir des choses qui n'ont pas lieu. Et le hakiki peut te tuer. Et si le hakiki, il peut arriver ça au fait de causer ta mort. Les gens qui ont un sihr, une fois que oui, jiddan, sont possédés, ça peut aller sur ce qui se tue. Donc c'est un char azim. Et le shahid de ce bab, c'est que tout simplement le sihr, comme cela va arriver, ne se produit que en faisant du shirk. Donc, يحتاج أن يبين الناس ذلك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Que ceux, ils ont déjà su que ceux qui l'ont acquis n'auront aucune part dans l'au-delà. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. Ils croient à la sorcellerie au tarout. Donc les gens qui a ce verset démontrent l'interdiction du sihr. Comme قال وما له في الآخرة من خلاق, qui n'a aucune part dans l'au-delà. Donc le fait qu'il n'ait aucune part dans l'au-delà, cela démontre le kufr. Que celui qui fait du sihr et qui l'apprend, فقد كفر, il aura mécru. car on expliquait que ce sihr ne peut avoir lieu qu'en faisant une ibada pour les djinns et les shayatin. Et par rapport au verset, Minou Abijib wa Tarout, quand les Omar, Egypt, est sihr wa Tarout, est shaitan. Quand il croit au djibt ou au Tarout, c'est il croit. Omar, il expliquait que le djibt, c'est la sorcellerie, et le Tarout, c'est le shaitan. Et on a expliqué dans un vers précédent que ces versets étaient descendus sur qui ? Sur les mouchidekoun qui sont partis voir les Yahoud, Ka'b ibn Ashraf. Ils lui ont dit qui est meilleur, nous, Mohammed, et il a dit vous. Donc en cautionnant par sa bouche, cela a fait qu'il s'est mis à croire. Ou on a expliqué sur lui le jugement de Al-Iman bi Al-Jib wa Ta'arut. Thumma qala al-mu'allif. وقال جابر رضي الله عنه التواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. جابر, cela fut rapporté par Bukhari mu'allaqan كذلك, qu'il a dit رضي الله عنه que les tawaghit, c'est le djinn de Tarout, ce sont les devins sur lesquels descendaient les shayatin, et que dans chaque secteur il y en avait un. Il y avait un kahin, et le kahin, on a expliqué dans les douloureux précédents comment est-ce qu'il obtient certaines informations du mustaqbel par le biais des shayatines qui volent ce que Allah a décrété. Non, tout cela est expliqué auparavant. El Tarout min arsal ma dhukira fihi, comme ta'lif, comme définition, ce qu'a dit Ibn Qayyim dans Usul Salafa, qui était plutôt cité à la fin de Usul Salafa par le même mu'allif, qui dit « Ma tajawaza l'abdu bihi haddahu min ma'boudin ou madbou'in ou muta' » Madbou' fil batil wa muta' fi ghayri shar' wa ru'usuhum khamsa iblis wa man da'a ila ibadati nafsihi ka fir'aun wa man abada wa man ubida waradin wa man idda'a ilm al-ghayb wa man hakama bi ghayri manzal Allah muta'ammidan. Donc le Tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, comme chose qu'il adore ou qu'il suit, ou à qui il obéit, qu'il suit sur le faux, ou à qui il obéit dans une chose qui n'est pas légiférée. Et les têtes de Tarout sont le 5, Iblis, ou celui qui appelle à se faire adorer lui-même, comme c'est le cas de Pharaon, ou celui qui est adoré, même s'il n'a pas appelé, mais il agrée cela. De là sort tout ce qui est adoré sans son agrément, comme Isa, Mathalène, ou sa mère. Et celui qui prétend connaître une chose de l'avenir ou de l'invisible, comme les Kohan, comme les sorciers, comme les astrologues, et celui qui juge par autre que ce que Allah a fait descendre, ou qui ne juge pas parce que Allah a fait descendre, volontairement. Et ça, c'est un autre tafsil. Donc les Sahara et les Kohan sont les Tawarit. Et ils font du mal aux gens. ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سب موبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي من الزحف وكذب المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit selon Abu Huraira, il a dit évitez les sept destructrices, ils appellent ça péché capitaux. Et ils disent, ô messager d'Allah, mais que sont-ils? Il dit le shirk billah, en premier lieu. Après shahid, al-sihr, la sorcellerie. Après il dit le fait de tuer la vie qui est interdite, sans droit. Après le fait de consommer le riba, ce qu'ils appellent l'usure. Après le fait de manger l'argent de l'orphelin. Le fait de battre en retraite le jour de la rencontre avec l'ennemi. Et le fait d'accuser et de diffamer les femmes chastes, préservées et innocentes, on va dire également inattentives. Donc il a commencé par quoi? Parmi ces sept péchés qui sont les soumiyat et le boubiqat, parce qu'elles te détruisent, elles causent ta perte. Le boubiqat, yannaha tuhlikuk. Les koufars aussi, chez les Ahl al-Kitab, ils ont aussi leurs péchés capitaux, mais qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, leurs 7 péchés capitaux, c'est plutôt des choses qui sont liées aux défauts des hommes. Et en réalité, en islam, ceux-là, comme la paresse, comme l'avarice, comme la cupidité, je crois, ou comme ce genre de choses, sont des choses qui se présentent chez l'être humain. Et en islam, ces choses-là te sont nuisibles si jamais tu te laisses aller et que tu ne fais pas tawba, ou qu'elles t'amènent à délaisser les droits de wajibat. Car demain, un muslim peut être fainéant, la falaine, peut être paresseux, et sa paresse ne l'empêche pas de faire ses wajibat. En dehors de ça, il est paresseux. Ce sera pour lui un ox, un manque, mais ce n'est pas un péché capital. Ou la gourmandise, mais ça les met également. Demain, un musulman, en islam, il peut être gourmand. Vous voyez, il peut être gourmand tant que cette gourmandise ne l'amène pas à tomber dans le haram, c'est-à-dire à manger pendant le nahar de Ramadan, ou à voler pour pouvoir manger ce qu'il veut, ou les zalika. C'est une chose qui va, Salen ne va pas être à son avantage, car ça cause la dureté du cœur, ou les zalika. Mais toujours est-il que ce ne sera pas haram sur lui. Ce ne sera pas sunnah, mais ce ne sera pas haram sur lui. Toutes ces choses sont citées chez l'Al-Kitab. Si le musulman, par ces choses-là, ça n'amène pas à tomber dans le haram, ce n'est pas des moubiqat chez nous. Mais elles peuvent y emmener. C'est des shahawat kawiyya qui amènent à dépasser les limites, ça peut emmener à tomber dans le haram par la suite. Donc là, le shahid, il a dit en premier le shirk, qui est le plus grand des péchés, et par la suite, il a dit al-sihr, même la sorcellerie. Les autres, c'est compris, tuer la vie sans droit, même celle du kafir qui n'est pas permise. Manger le riba, ça cause la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le mal yatim kazalik. Et le fait de se sauver face à l'ennemi lorsqu'il faut faire face. Et le fait d'accuser les femmes chastes, comme ce fut le cas de Aïcha, radhiyallahu anha. Et elle a dit rafilat, car souvent elles ne s'en rendent même pas compte. Elles sont là, elles font leur vie. Et elles ne savent même pas qu'autour d'elles, les gens parlent sur elles. Et ce jugement, il est valable également pour les hommes. Le fait d'accuser des hommes qui sont chastes de choses qu'ils n'ont pas fait. Et cela, ça mérite un had. Yukam alil had. Il a une sentence qui subit. D'accuser les gens de choses qu'ils n'ont pas commises, qui sont liées à leur honneur, qui sont liées aux choses liées au rapport mathalan ghazalika. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa an jundub marfu'an had as-sahir darbu bi-sayf. Wa raw at-Tirmidhi wa qala sahih anahu mawquf. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى جندوب il a dit en remontant cela au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chose qui n'est pas apparemment qui n'est pas authentique remontant de lui, qu'il a dit que la sentence du sorcier du sahir c'est qu'on l'exécute. Et Tirmidhi il voit qu'il est mawquf, qu'en fait c'est la parole de Jundub, comme lui-même l'a appliqué d'ailleurs. Donc on n'a pas de dalil wadih sur le qatl du sahir, mais les sahaba amalou bizarik, comme cela va venir. On n'a pas de hadith clair, authentique ou de verset, mais ce fut que la façon dont agirent les sahaba, c'était en tuant le sahir. Et là, on vise par là le sahir qui fait du sihr haqiqi, celui qui contient du shirk. On l'avait pris justement dans Tothi à l'articote que Jundub il était venu, il avait vu un sahir qui jouait, qui rentrait dans une vache, qui sortait de la vache, il arrivait avec son épée, il a coupé la vache en deux. Ou dans une autre version, ce sahir qui coupait une personne en morceaux et après il lui redonnait la vie, soi-disant. Il arrivait, il a pris son épée, il a coupé la tête, il a dit ben maintenant qu'il se donne la vie à lui-même s'il est sincère. C'est les véridiques, après il était mis en prison. وفي الصحيح البخاري عن جبالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن أقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر. Dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, selon Bajala, que Omar, رضي الله عنه, lorsqu'il était émir, il a écrit pour dire tuer tout sorcier, toute sorcière. Donc il a dit Bajala, nous en avons tué trois parmi eux. Et le muhakkik dans le livre, il dit que ce athar chez Bukhari, il n'a pas trouvé comme il était. Comme il était là dans le livre. Mais c'est une ziyada qui est venue par Musaddad et Abu Ya'la. c'est quand même sahih, ça. Que Omar ibn Khattab a fait ordonner de tuer les... dans une rivaya, non. Donc le sahir, on le tue. Et Shir, il dit quoi, Cheikh Ibn Baz? قال ولما سبق من ضرر من ضررهم الذي لا يزال الى بقتلهم ولربما يظهرون التوبه وهم وهو كاذب كالمنافقين والساحر يقتل كفرا ولا يستتاب ولا الصحيح. Donc il dit pour tout le mal que engendre la sorcellerie, justement, car il se peut qu'il fasse apparaître une tauba alors qu'il est, il n'est pas véridique dans ceci comme le munafiq. C'est pour cela qu'il dit que le sahir, on le tue, on l'exécute, riddatel, c'est-à-dire en tant qu'apostat, et on ne lui demande pas de faire tawba. Alors, sahih, masala ya khilaf. On a dit yustatab. Il lui dit l'ustatab. Il dit yuktel. Il dit taba, la Allah, Allah ya tawba alayhi. Mais en tout cas, nous, en cette dunya, on ne fait pas tawba, on l'exécute. Moi, s'il a fait tawba, sincèrement, amourou ilallah. Mais nous, en cette dunya, on l'exécute, on ne fait pas la salle sur lui, on ne le lave pas, et on le met dans un trou. Dans un trou. Comme avec un kafir quelconque. وصحى عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية وجارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صحى عن جندب. Donc selon Hafsa, il fait rapport authentiquement qu'elle a ordonné de tuer une servante qu'elle avait ensorcelée. Il fait rapport également de Jundub, comme on a pris auparavant. Et cette jariya qui a été exécutée, c'est une qui a fait du shirk. Donc là, قال أحمد رحمه الله تعالى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là, on a des affaires authentiques remontant de trois des compagnons du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui ont tué le sahir. Il fait rapporter de Aïcha également qu'elle avait une jariya qui a fait du shirk et elle l'a vendue. Très probablement du fait que le cirque qu'elle a fait, c'était le cirque qui était tahyili et non pas hakiki. Ça, c'est le hukm du sahir, c'est qu'on le tue. Celui qui a fait du cirque hakiki. Et ça, à la base, l'ahsan fi bis hadhihi al-umur, c'est que ce soit fait par les gouverneurs. Eux, ces sahabas-là, ils l'ont fait d'eux-mêmes, car à l'époque, gouverneur n'aurait pas vu de mal, à part Jundub, qui était mis en prison pour ça. Omar, lui, était émir, et Hafsa, je ne sais pas si sur le calife de qui elle a fait cela, mais c'était un moment où sûrement c'était une chose qui était acceptée par les sahabas. À moi, aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Si tu vas tuer un sahir, à notre époque, il se peut que ça ne passe pas auprès du gouvernement, et qu'on n'applique sur toi le qisas, que tu sois exécuté pour ça. Mais les ulémas, ils disent, si jamais tu le tues de toi-même, et qu'il n'y a pas de fitna et personne ne te voit, il a dit entre toi et Allah, il m'a fiché. Mais il déconseille de faire cela parce que ça pourrait avoir des conséquences néfastes par la suite. C'est ça, c'est une chose qu'autorisé par. Si toi tu tues un sahir, Shana'in, tu n'as pas de péché sur toi. Mais, Yanni, si tu sais qu'il ne va rien t'arriver, maintenant tu sais qu'il y aura des conséquences par la suite sur la da'wah, sur les gens, ne le fais pas. Allah Ta'ala alam. Donc, on reprend les masa'il de ce bab. Qala, al-oula tafsir ayat al-Baqara. تفسير سورة البقرة dans le verset qui est relatif au sihr. الثانية تفسير آية النساء également. الثالثة تفسير الجبت والتاغوت والفرق بينهما. On a expliqué c'est quoi le jibt والتاغوت et la différence entre les deux. الرابعة أن التاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. Le تاغوت ça peut être parmi les djinns, ça peut être parmi les hommes. الخامسة معرفة, ça peut être aussi une doctrine. Mathalan, démocratie, les régimes politiques. Et je me suis rappelé aujourd'hui, j'avais oublié, ça veut dire comme on disait Dostor, tu te rappelles ? En fait, c'est la constitution. Voilà, c'est la constitution. Arabia, un taroud, quand yakounoum n'est le djib. T'as vu, on l'a lu. Al-Khamisatu, ma'alifat al-sab, al-mubiqat, wal-khusousat bin-nahi. C'est de connaître les sept péchés qui amènent à la destruction. Ce sont les sept péchés qu'ils appellent capitaux. Al-Sadisa, un sihl yakfour. Un sahir yakfour, que le sorcier mécroit. Ce qui veut dire sihr, hakiki. Et même le fait de l'apprendre sans même l'appliquer également. Alors que dire de l'enseigner? Al-Sabiha, un yuktel ولا يستطاب on le tue sans demander de faire tawbah والمصطلح فيها خلاف كما عرفت الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده il serait été présent à l'époque de Omar chez les muslimines donc que dire d'aujourd'hui c'est le bab qu'on a appris là que le sihr et le shirk ثم نأخذ الباب الذي بعده يتعلق بذلك فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر maintenant c'est pour démontrer certaines formes du sihr car le sihr est de très nombreuses يعني a de très nombreuses voies de beaucoup de procédés et là ils vont citer certains seulement cela afin que les muslims prennent garde pour différencier entre le sihr al-haqiqi et le takhyili le fictif et le réel bien évidemment car les deux ne sont pas pareils قال احمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيده او قبيثه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العيافه والترق والتيره من الجبت قال عوف عيافه زجر الطير والترق الخط يخط بالارض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولي ابي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه والمستن منه وهذا ضعفه الالباني رحمه الله تعالى Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que al-iyafa et tarq al-tiyara font partie du jibt c'est-à-dire de la sorcellerie al-iyafa c'est quoi c'est le fait d'effrayer les oiseaux et après en fonction de l'heure ça rentre dans le tiyara ça va venir il y a un bœuf qui va venir par rapport à ça mais en fonction de leur mouvement les gens font des prédictions mauvais présage ou beau présage dirait les alikas At-tark, c'est le fait de faire des lignes dans le sol. Et après, d'en tirer des prédictions dans l'avenir. Wa-tiyara, c'est comme l'iyafa. Ça rentre dedans. Et l'jibt, on a expliqué, c'était à la base de sorcellerie. Et le Hassan, il a dit que c'était les associations de shaitan. Lakin al-athar ma yathbut. Lakin ces choses, elles existent. L'iyafa, wa-tark, wa-kada, ça existe. Chose que les gens de la Jahiliya, ils faisaient. Donc l'iyafa, comme on expliquait, c'est faire fuir les oiseaux. Et ils utilisaient par cela des oiseaux, souvent qui étaient des oiseaux considérés comme étant lugubres, comme le corbeau, comme le hibou, ou d'autres animaux également. Ça s'appelle tiara parce que souvent c'est fait avec des oiseaux, mais toute chose qui est liée au à la mauvaise augure, mauvais présage, rentre dedans. Comme cela, on va le prendre dans le bab, inshallah, qui sera ta'alak bizarik. Ou at-tarq, ça peut être également ce que les gens y font comme les lignes de la main. À la base, c'est dans le sol, mais les gens aussi le font dans la ligne de la main. Donc soit c'est une personne qui te dupe et qui dit n'importe quoi, ou alors c'est une personne qui a pris des akhbar, des shayatin, comme on a pris, comme les kuhan. Il va sortir une chose de l'avenir, il va t'arriver telle chose, telle chose, telle chose. Et si il s'avère que cette chose, elle arrive réellement, c'est un khabar qu'il a pris de quoi ? D'un shaytan qui a volé le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou il l'a, c'est juste de la tromperie. Car personne ne connaît l'avenir, ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود باسناده واسناده صحيح وهذا صححه الالباني selon ابن عباس que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit que celui qui emprunte qui apprend une voie parmi les voies de l'astrologie aura certainement appris une voie parmi les voies de la sorcellerie. Et plus il rajoute, plus celle-ci s'accumulera. فقال الشيخ ابن باز يدل على أن تعلم أمر النجوم في تأثير في الكون هو من أقوال المنجمين والشعوذين وهو باطل ومنه تعلق بالنجوم في موت أحد وحياته وزوال مرك فلان وغيره. Donc cela démontre que le fait d'apprendre l'astrologie comme celle-ci avait une influence dans le contrôle des choses, cela fait partie de la parole des astrologues ou ce qu'ils appellent les devins, les gens de la bonne aventure, et ça c'est faux. Par exemple, ils disent avec tel harakat de tels astres, cela démontre la mort d'un tel, ou qu'un tel va vivre, qu'il va se passer telle et telle chose, ou que le royaume d'un tel va s'effondrer. Regardez les alikas. Ils veulent soi-disant prédire l'avenir avec les constellations. Ou apporter, mesalène, le bon ou mauvais sort à quelqu'un. Par exemple, chez les koufars, c'est marlouf. Hein, quelqu'un, il dit, je suis né sur la bonne étoile ou la mauvaise étoile. Celui qui est né sur la bonne étoile, c'est quelqu'un de chanceux, comme ils disent. Il n'arrive que du bien. Et celui qui est né sur la mauvaise étoile, c'est quelqu'un de malheureux, il n'arrive que des problèmes. Et ça rentre là-dedans. Et ça, c'est tout ce à quoi là, c'est du shirk. Mayajouz. Les étoiles, elles n'ont rien à voir. Ça, c'est lié, c'est le décret d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Par contre, apprendre ce qu'on appelle les salènes, comme la météo, ou les adhika, ça, c'est autre chose. Des prédictions qui, elles, ça, c'est un sabab kouni, qui a déjà été constaté. Ce n'est pas garanti, mais le fait d'apprendre la salène, ce qu'on appellerait plutôt l'astronomie, et non pas l'astrologie, ça, c'est une chose m'a affiché. Par exemple, avec certaines harakat, les gens pourront savoir takriban quelle température pourrait faire à peu près. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Ce n'est pas connaître l'avenir. Ce sont des signes, des indices qui t'indiquent qu'il va se passer telle ou telle chose. C'est comme, je ne sais pas, demain quelqu'un, il est au bord de la mer et il sait que, mesalène, les oiseaux, certains oiseaux, ne viennent sur le bord que s'il y a une tempête qui arrive, s'il y a un vent fort qui arrive, parce qu'ils ne vont pas supporter de voler. Donc ils disent, tiens, si les oiseaux ils viennent là sur la rive à ce moment-là, parce qu'il y a des vents forts qui arrivent. Ça, c'est un indice, c'est tout. Et après, ça veut dire que ça arrive. Ça, c'est pas du tayara. C'est pas un mauvais présage. C'est une chose qui est, on va dire, c'est un fait naturel. Car l'oiseau, c'est vrai, quand il y a une tempête ou quoi, il vole pas dans les airs. Sinon, il se fait emporter, il va mourir. Donc, il vient se mettre à un endroit pour se préserver. Donc, ils disent, ces oiseaux-là, on les connaît. Quand ils viennent sur la rive, ça veut dire qu'il y a des grands vents qui arrivent et que la mer va être agitée, mathalane. Et donc celui qui aura appris une partie de l'astronomie, de l'astrologie, afin, il aura appris une partie du sihr. Et plus il aura appris, et plus son péché sera grand. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا هذا الحديث ضعفه الألباني كذلك معناه صحيح selon Abu Huraira que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui fait un nœud puis souffle dessus aura fait du sihr et celui qui a fait du sihr aura associé à Allah صلى الله عليه وسلم celui qui s'accroche à quelque chose il y sera confié le معنى صحيح في هذا car le fait de souffler sur les nœuds c'était ce que faisaient les Sahara, c'est une forme de sihr qu'ils faisaient. Naam, comme a dit Allah dans sourate Al-Falaq, يعني من شر نفاثات في العقد. Vous voyez, نفاثات في العقد, ceux qui souffrent sur les nœuds. Et ça, ce sont les Sahara qui faisaient cela, les sorciers. Une façon de pouvoir avoir les djinns à leur service ou faire du mal aux gens. Et donc le sihr, là, il parle de sihr qui est haqiqi, qui amène à ta'aoun ma'al shayatin. Et dans son col, man ta'alaka shi'an, wukila ilayhi, celui qui s'accroche à quelque chose, il sera confié. Ça, on l'a pris dans Bab et Tama'im. Une chose, personne qui s'accroche à quelque chose, derrière son cœur, il y a cette chose-là, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera confié, c'est-à-dire il sera voué à sa perte. Donc le ma'na du hadith, il est sahih. Là où shawahid, fi adillat ukhra. وقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما الغضه هي النميمة والقارة بين الناس رواه مسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit ne vais-je pas vous informer qu'est-ce que الغضه il a dit c'est la calomnie et le colportage entre les gens رواه مسلم Donc le shir est dit que il y a bima'na al-sihr wal-kadhib wal-namima wa dhakarahu huna li anna al-sihr yahsulu به بختان وكذب وتلبيس وغش على الناس وخيانة. Donc il dit cela rentre le sihr dans une forme de sihr, mais ce serait plus le tahyili, du fait qu'il y a du mensonge et de la namima, et que cela amène à une tromperie, à une tromperie, à de la ruse et l'escroquerie pour les gens et la trahison, comme est le cas du sihr. C'est les mêmes effets, sauf que là ça rentre dans le sihr qui est tahyili, c'est-à-dire celui qui fait cela. C'est pas un sahir comme c'est quelqu'un qui use des shayatines. C'est pas pareil. C'est pas haqiqi. Dans le sens qu'il a comme une forme d'envoûtement sur les gens. ثم قال ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من السحر أو إن من البيان السحراء. Qu'il est dit, il est متفق عليه, que parmi l'éloquence il y a du sihr. Parmi l'éloquence il y a du sihr. والبيان هو الفصاحة والبلاغة لأن أصحاب البيان قد يسحر الناس بأسلوبه وفصاحته فربما لبس عليهم الأمر وربما خدعهم وخفيت عليهم الحقائق. Donc c'est ce qu'on appelle l'éloquence, car celui qui est éloquent, il se peut qu'il encensole les gens avec son style de parler, il se peut qu'il les trompe et qui retourne les réalités des choses par son parler. C'est-à-dire que les gens, et ça c'est connu chez les poètes, chez les artistes, les écrivains, les chanteurs, tous ces gens-là, ils ont une façon d'écrire qui envoûte les gens. Toi, tu l'as vu, les réactions sur les gens, comment ils sont des fois, pour des paroles, tu les vois, les gens ils sont influencés par cette parole-là et cela agit sur eux. Tu as des femmes qui crient, qui tombent dans les pommes. Tu as des femmes, elles tombent amoureuses d'un homme parce qu'il a dit des paroles. Par son éloquence, elle tombe amoureuse de lui parce qu'il a dit telle et telle chose. Pose juste pas des paroles. Les beaux parleurs, comme on appelle. T'as des gens même, ils n'ont rien du tout, mais par leur éloquence, ils arrivent à tromper plein de personnes. Comment ils parlent? Même chez les toujards, chez les commerçants, tu vas les voir, ils arrivent à vendre des marchandises en parlant. Et c'est une forme d'envoûtement. Et la namima a également été comparée à ça, car ils ont dit, il a été dit que le namam yufsidu fi sa'at ma yufsidu sahir fi yani mudda tawila. Que le namam fait du mal entre les gens, ce que le sahir n'arrive pas à faire. Que le namam peut causer des guerres, des conflits entre les gens, que le sahir n'arrivera pas à faire. Le sahir peut être pour à toi ou un tel. Le namam peut faire une guerre entre des pays, entre des tribus, entre des groupes. Il va avoir un tel et dit un tel a dit telle et telle chose. Il va avoir un autre et dit un tel a dit telle et telle chose. Ah, il a mis la guerre entre les deux. C'est pour cela qu'il ressemble un peu au sahir. Cependant, lui, quand même, son mal, on va dire, n'aura pas été fait par le biais de Shayatin ou quoi, mais par sa langue. Et il aura envoûté des gens. C'est quand même une forme d'envoûtement qu'il aura fait, qu'elle aura causé dans leur cœur la haine. Mais ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire. Mais le bayen, par contre, le fasaha, le bayen, le balara, s'il a mis son pied dans le haq, c'est une bonne chose. Tu es éloquent pour parler du bien, pour apprendre aux gens, pour enseigner aux gens, c'est une bonne chose. Sans takalluf. Il y a un sans te forcer, t'imposer à faire des choses. Sans takalluf. Pour que ce soit une chose naturelle et simple pour toi. Ou il l'est, tu rentres dans ta kalouf et là c'est manihoun anhu. Allez, on prend les masa'il. Qala, fi masa'il. Al-oula, an al-iyafa, wa tork, wa tiyara, min Egypt. Donc, attendez, l'iyafa, on a expliqué. Al-tork, kazalik, wa tiyara, font partie du Egypte, c'est-à-dire la sorcellerie. Al-thaniya, tafsir, al-iyafa, wa tork, Wattiyara, l'explication de ces trois choses-là. Et la fin, c'est faire peur aux oiseaux pour voir dans leur action comment avoir des prédictions dans l'avenir. Et Tark, c'est faire les lignes sur le sol ou dans la main ou autre. Et Tiyara, c'est se baser sur les choses pour déduire les mauvais ou bons présages. Et à la base, c'était basé sur les oiseaux. Et après, plus tard, il n'a pas été expliqué parce qu'en fait, il rentre dans le Iyafa. Il rentre dans l'Iyafa. Plutôt l'Iyafa rentre dans le Tiyara. Tiyara Aam. Il est plus large. Et l'Iyafa, c'est une sens. Tiyara, c'est la mauvaise augure. Avec le haraka des oiseaux. Afalisa, un ilm al-nujum min anwa al-sihr. Que l'astrologie est parmi les formes de sorcellerie. Arabia, un al-aqd ma'al naf min zalika. Que le fait de souffler sur les nœuds en fait partie également. Wal khamisa, un al-namima min zalika. Que la calomnie en fait partie. والسادسة أنا بعض الفصاحة منه une partie de l'éloquence en fait partie également. Là, c'est le bab qu'on a pris aujourd'hui qui est Bayen sur certaines formes de sorcellerie. Il y en a plein d'autres. On a plein d'autres. Ça, c'est seulement des exemples qui sont pris, connus chez les gens de la Jahiliya et présents à notre époque encore également. Non. Fabien, adakad naktafi, on a koul, alhamdulillah, rabbil alamin.